Bonjour à tous, bienvenue à l'écho de la radio Isanganiro, à la une de cette grande édition de la mi-journée. Côté sécurité, deux personnes mortes ont été recensées à Gitega et Karusi. Et ici à Bujumbura, une grenade lancée ce dimanche soir dans la zone de Chibitoke a fait 4 blessés. La modification de la nouvelle constitution peut se faire à travers le dialogue externe. C'est du moins l'avis de Tassian Sibomana, opposant politique. Il dit qu'une nouvelle session de dialogue doit se faire pour trouver une issue à la crise. Le travail de saisie des électeurs a déjà commencé. Jusqu'à présent, 300 000 électeurs ont été saisis sur 5 millions. Vous entendrez dans ce journal le président de la commission électorale. Même si le Burundi est à la tête des pays corrompus de la région de l'Afrique de l'Est, selon un rapport de Transparency International, le ministère de la Bonne Gouvernance rejette ce rapport, arguant qu'ils n'ont pas été impliqués. Le développement de ces titres, c'est tout de suite. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint-Mitebouti. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Bienvenue encore et commençons par la bonne gouvernance. Le ministère de la bonne gouvernance rejette le rapport de l'organisation Transparency International classant le Burundi comme étant le premier pays le plus corrompu de la communauté est-africaine. Jean Bosco Nahimera, assistant et porte-parole de ce ministère, explique que les organes burundais de lutte contre la corruption n'ont pas été associés dans la production de ce rapport. Selon lui, le Burundi connaît une avancée significative en matière de lutte contre la corruption. On l'écoute. Que ce soit ce rapport, que ce soit son contenu, nous ne sommes pas encore au courant du rapport, nous ne sommes pas au courant du contenu de ce rapport, mais ce qu'il y a à préciser, c'est que Transparency International ne nous a pas contactés, ni l'autorité ministérielle, ni les institutions chargées de la lutte contre la corruption. Personne n'a été constaté par cette institution pour que ce rapport soit élaboré. Vous affirmez que le Burundi occupe une très bonne position dans la lutte contre la corruption? De toute façon, nous avons des institutions qui sont chargés de la lutte contre la corruption. Il y en a qui sont logés au ministère de la Bonne Gouvernance et d'autres qui sont logés dans d'autres ministères sectoriels. La place que nous occupons, je ne saurais pas dire que nous occupons telle place parce que nous classer première ou deuxième sera équivaudrait à dire que nous avons déjà effectué une enquête sur d'autres pays. Actuellement, le pas franchi est un pas très satisfaisant dans la lutte contre la corruption. Avoir le taux de collaboration, la synergie qui existe entre les différentes institutions étatiques, entre les différentes institutions qui sont chargées de la lutte contre la corruption et la marginalisation des économies financières, ça prouve à suffisance que nous avons déjà franchi un pas important dans cette lutte contre la corruption. Des organisations luttant contre la corruption et les malversations économiques parlent de gros poissons très corrompus qui ne sont pas touchés. Là, qu'est-ce que vous en dites? C'est devenu comme une chanson dans la plupart des citoyens. Il y en a qui disent que ces gros poissons ne sont jamais touchés. Mais si vous demandez à tel qui connaissez-vous aurait été corrompu ou serait coupable des actes de corruption mais qui n'a pas été poursuivi, vous n'aurez pas de réponse. Nul n'échappe à la loi. C'était Jean Bosco Nahimera, assistant du ministre de la Bonne Gouvernance, au micro d'Elinibel Nibigira. Parlons politique à présent. L'opposant politique au pouvoir de Bujumbura, Tassian Sibomana, affirme que le nouveau projet de constitution en attente d'être voté lors du référendum de mai peut être modifié selon consensus politique à travers le dialogue externe. Pour lui, une nouvelle session de dialogue doit avoir lieu, surtout que le facilitateur Benjamin Mkapa a été reconduit lors du récent sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IAC et en vue de continuer son travail de médiation dans la crise burundaise. Tassian Sibomana estime qu'un tel dialogue politique peut être clôturé sans qu'il y ait un compromis. Suivez-le au micro de Léonce Vitaliro. Si le référendum devait aboutir tel qu'il est annoncé aujourd'hui, ça voudrait dire que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi serait définitivement enterré. Or, nous avons fait savoir à qui veut l'entendre, à commencer par les garants du dit accord, passant par ceux qui sont au pouvoir, qui est en partie futile au pouvoir, n'a pas la latitude de remettre en cause un accord qui avait suscité tant d'espoir chez les Burundais. Si jamais ce référendum devait aboutir tel qu'il est annoncé, ça voudrait dire que le dialogue d'Arusha n'aurait plus raison d'être. Le fait donc de reconduire Mukapa signifie que le sommet a des raisons de lui garantir que le processus va continuer et va aboutir sur un compromis. Le référendum constitutionnel est prévu au mois de mai. Vous voulez dire que entre aujourd'hui et le mois de mai, il doit y avoir une nouvelle session de dialogue? Absolument. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Nous avons déjà transmis à la facilitation tous les documents nécessaires qui font état de notre façon de voir les choses au Burundi et des voies de sortie que nous proposons. Et le pouvoir et ses alliés ont fait de même. Maintenant, c'est plus les moyens et la volonté politique de la sous-région qui manquaient. Si maintenant la volonté de la sous-région est là, si la volonté de la médiation est là, je pense que même les moyens peuvent suivre sans tarder. Donc, si le gouvernement est obligé ou est convaincu de la nécessité de répondre présent au dialogue, je pense que ça ne prendrait même pas 2 semaines. Mais il y a déjà le projet de constitution. Est-ce que ce projet de constitution peut être modifié encore une fois aujourd'hui? Tout dépend de l'objectif recherché et de la volonté. Ne croyez pas que les Burundais ne sont pas capables de produire un autre projet consensuel en déjà une semaine. Nous sommes capables de le faire. Donc si nous avons encore 2 mois, nous pouvons en produire autant que nous voulons. Et qui plus est, pourquoi cette course contre la montre? Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Parlons agriculture à présent. Grogne des agriculteurs de certaines communes de la province Bururi sur la mauvaise distribution de l'engrais chimique qui risque de compromettre les récoltes de la saison culturale B. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bururi rejette la responsabilité aux fournisseurs. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Les communes de Bururi et Vianda sont celles-là les plus concernées par les irrégularités dans la distribution d'engrais chimiques. Au bureau communal de Bururi, les cultivateurs se bousculent à la recherche de l'engrais chimique depuis près d'une semaine, de l'engrais qui devrait pourtant être acheminé jusqu'à la zone. Selon Bernard Havonimana, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Bururi, certains agriculteurs perdent même le ticket de transport, rentrant quelquefois sans être servis. En commune Vianda, aucun sac d'engrais jusqu'aujourd'hui n'y a été amené. Le retard, notamment dans le semis du haricot volubile, est déjà enregistré et les cultivateurs craignent une diminution de la récolte de haricots pour la saison culturelle B. Pour Bernard Abonimana, les lamentations des cultivateurs sont fondées. Ils jettent la responsabilité aux fournisseurs provinciaux de l'engrais chimique qui, selon lui, a instauré une situation de désordre dans cette distribution afin de gagner au détriment du cultivateur. Selon lui, le premier responsable est le fournisseur d'engrais en cas de chute de la production de haricots dans cette province du sud du Burundi. Interrogé à propos, Gilbert Vigilimana, superviseur provincial de la distribution d'engrais en Bururi, reconnaît le stockage de l'engrais chimique à la commune Bururi au lieu des zones. Ici, il explique que ce sont les cultivateurs qui l'ont sollicité après une longue attente. Pour le cas de la commune Vianda, il explique que seulement 3 tonnes d'engrais chimiques ont été sollicitées dans cette commune et il a fallu trouver une autre quantité d'engrais pour louer un camion d'une charge de 10 tonnes et cet engrais serait en cours vers Vianda. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Page élections. Le travail de saisie des électeurs pour les élections générales de 2020 et le référendum constitutionnel de cette année ont démarré ce jeudi. La Commission électorale nationale indépendante est appuyée dans ce travail par une organisation burundaise, GNC Vision. Au cours d'une conférence de presse, le président de la CENI a annoncé que plus de 300 000 électeurs ont déjà été saisis sur plus de 5 millions. Dans les prévisions, ce travail durera 20 jours. Suivez Pierre Claver, Ndaïchalié. Vous vous en souvenez, nous avons clôturé l'enrôlement des électeurs jeudi le 17 février 2018 à 17h30. Nous sommes en partenariat avec une maison informatique locale que nous appelons GNC Vision. Cette maison informatique et locale nous accompagne et nous accompagnera jusqu'à la production, à l'édition des listes électorales définitives, des listes d'émargement jusqu'à la production des cartes d'électeurs. Ce travail dans les processus électoraux antérieurs était fait par les experts internationaux du PNUD. Nous avons commencé la saisie des données le jeudi à 13h. Mais avant la saisie des données effectives, jeudi à 13h, il y a eu pendant la matinée ce que nous appelons la pré-saisie des registres d'inscription. Nous avons donc 4 vacations ou 4 rotations. Les anglophones disent « shift ». La première rotation commence à 6h du matin et se termine à midi. La deuxième rotation, le deuxième groupe, commence à midi pour se clôturer à 18h. La troisième rotation commence à 18h et va jusqu'à minuit. Et la quatrième et dernière rotation commence à minuit pour se clôturer à 6h du matin. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Quel est le résultat du travail en cours au CTD? À 6h du matin, ce sont les chiffres que nous avons, puisque c'est la rotation qui s'est clôturée à 6h du matin. Nous avons 390 137 électeurs déjà saisis informatiquement. Isanganiro. 13h08 dans les studios de la radio Isanganiro. Nous continuons avec notre journal. Page sécurité, un homme a été tué par balle dans la nuit de ce dimanche et a succombé sur le champ. Ceci s'est passé dans la zone Mutoyi de la commune Ugendana de la province de Gitega. Le porte-parole de la police indique que le forfait a été commis par 2 militaires de la position de Mutoyi et ont été conduits au parquet de la République de Gitega pour un procès de flagrance. Et des coups de feu ont été entendus à Karusi dans la nuit de ce dimanche, selon les informations de la police. C'est un policier en état d'ébriété qui aurait tiré et des balles ont touché son collègue. Ce policier a été arrêté dans la matinée de ce lundi. Blaise Pascal Kararumiye. Plusieurs coups de fusil retentis cette nuit au chef-lieu de la province Karusi vers 20h ont été tirés par un policier du nord de Massawi et Séverin à son domicile à Rubimba. Et celui-ci menaçait d'éliminer sa femme et certains de ses voisins, comme l'indiquent les sources de la police. Lors de l'intervention de la police pour l'arrêter, ce dernier a tiré sur le policier APC Nungwanayo Renova, agent de transmission du commissaire provincial de la police, dont le cadavre se trouve à la morgue de l'hôpital de Kwarusi. Le commissaire provincial de la police de la protection civile, où son Nungwanayo Renova travaillait, parlait de l'état d'ébriété de ce dernier, et qui l'aurait motivé à commettre ce forfait, menaçant sa femme et ses voisins jusqu'à éliminer le policier. Le commissaire Zeymana Sylvestre indique que cet auteur, APC Nungwanayo Renova, s'est lui-même rendu au bureau de la province au matin de ce lundi vers 7h30, pendant que la police le cherchait dans les marais et à Rubisu. Il est sous interrogatoire au parquet de Karusi depuis le matin de ce lundi. Et le commissaire indique qu'il y aura un procès de flagrance pour que ce dernier soit puni conformément à la loi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise pour cette précision. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement, par une grenade qui a été lancée la nuit de ce dimanche à la station Kobil, se trouvant à la 15e avenue de la zone Chibitoke, en commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura. Les personnes qui étaient sur le lieu disent que l'auteur de cette attaque n'a pas été connu, n'a pas été identifié, mais qu'un suspect a été arrêté. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Droits de l'homme à présent, l'organisation qui lutte pour les droits de l'homme, FIDH, s'indigne que l'enrôlement des électeurs pour le référendum constitutionnel a été entaché d'irrégularités. La chargée des programmes au bureau Afrique au sein de cette organisation indique entre autres que certaines personnes ont été contraintes de se faire enregistrer par force. Dans un rapport sorti le 23 courant, Justine Duby appelle le gouvernement à cesser le processus de révision de la Constitution, car selon la FIDH, elle pourrait mener à une escalade de violence On l'écoute. Nos organisations ont pu constater sur le terrain que la population burundaise est tout d'abord contrainte de s'inscrire sur les listes électorales, mais également contrainte, menacée, intimidée à voter pour la révision de cette constitution. Comment est-ce que ces nouvelles violations se manifestent sur le terrain? Il y a eu, donc, comme le décrit la note que nous avons publiée, des arrestations arbitraires, des personnes arrêtées parce qu'elles étaient suspectées de s'opposer au référendum constitutionnel. Donc les opposants sont menacés, arrêtés, intimidés, et les personnes sont généralement contraintes, voilà, de s'inscrire sur les listes électorales, de voter oui. Des menaces ont été proférées à l'encontre de la population pour forcer les gens, forcer la population burundaise à rentrer dans les rangs et à voter oui à la révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez des moyens pour vérifier sur terrain toutes ces allégations? Comme vous le savez, la situation au Burundi pour les défenseurs des droits humains est particulièrement complexe, mais nous continuons à documenter la situation, même si les conditions de travail des défenseurs et des observateurs sont très complexes. Le gouvernement burundais, parfois, il demande qu'avant de publier ces rapports, on leur donne une copie pour produire un contre-rapport. Est-ce que cette démarche, vous l'auriez faite? Dans le cadre de cette note, nous n'avons pas transmis la note au gouvernement burundais. C'est quelque chose que nous pourrions évidemment faire dans la mesure où cela ne met pas en péril les personnes qui nous font remonter ces informations. Mais évidemment, nous sommes dans une démarche de dialogue avec les autorités burundaises et ce rapport pourra évidemment leur être transmis. Et nous appelons donc les autorités à repousser ou en tout cas mettre un terme actuellement à ce processus de révision qui ne nous semble pas consensuel et qui risque de mener à une escalade des violences au Burundi. Parlons sport avant de nous séparer. La formation Messager Ngozi est toujours première du championnat national de football en première division. Cette équipe s'est offerte ce dimanche la victoire en battant les jeunes athlétiques de Bujumbura 3 buts à 1. En 16e et dernière position du dit championnat se trouve toujours la formation Delta Star de Gatumba avec 5 points à la 20e journée. Les détails sur le déroulement du championnat national en première division avec Évariste Nzikobanyanga. À la 20e journée du championnat, 6 matchs ont été disputés samedi sur la pelouse du stade de Prince Rue Gwagasore. Interstar a battu Delta Star 2 buts à 0 à 14h. À 16h, sur la même pelouse, Musongati a battu à domicile Buja City 2 buts à 0. À Gitega, Aigle Noir a fait match nul d'un but partout avec Vitalo. Au nord du pays, Ngozi City a dominé Flambeau de l'Est sur le score de 3 buts à 0. Ce dimanche, au stade de Prince Rue Gwagasore, deux matchs ont été disputés. À 14h, l'idéalité que Burundi Sport for Africa a battu le Lierre 4 buts à 1. Et à 16h, Messager Ngozi est venu battre à domicile les jeunes athlétiques 3 buts à 1. Le match qui devrait opposer vendredi dernier Atlético Olympique avec Messager Bujumbura n'a pas eu lieu suite aux aléas climatiques. Ce mercredi, Olympic Star croisera l'offert avec Flambeau du centre de Gitega. La formation Messager Ngozi est toujours en première position avec 49 points. L'idéalité que Burundi Sport for Africa est deuxième avec 44 points. Cette formation a deux matchs qui n'a pas encore livré. Aigle Noir est troisième avec 40 points. Vitalo occupe la quatrième position avec 34 points. Buja City est cinquième avec 33 points. La formation en difficulté énorme, c'est Delta Star qui a 5 points et une dette de 40 buts sur 20 matchs que cette dernière a déjà livré. Merci Évariste pour ces détails. Mais avant de nous dire au revoir, un petit rappel des titres. Côté sécurité, vous avez entendu que deux personnes sont mortes qui sont recensées à Gitega et Karusi. Ici à Bujumbura, une grenade lancée ce dimanche soir dans la zone de Chibitoka a fait 4 blessés. La modification de la nouvelle constitution peut se faire à travers le dialogue externe. C'est du moins l'avis de Tassien Sibomana, opposant politique. Il dit qu'une nouvelle session de dialogue doit se faire pour trouver une issue à la crise.